future. Tu me connais, 2-7, 2-7, 2-7, Carus. Je descends de la navette, je marche sur des débris lunaires. Je vais faire trembler toute leur schneck sur l'échelle de Richter. Le diable peut te tenter juste avec une somme. Pour les plus connes, juste avec une pomme. L'industrie respire très mal, elle est devenue asthmatique. 4124, ma clique sur un nuage magique. Ray, j'suis dans le club, viens dans le VIP. Fais-moi un hug ou reste tout est fait ton thug. Enlève ton slip et assieds-toi sur un plug. J'récite mes gars, me précis dans le drame. Et les nique les cannes, les baisse comme un porc. Comprends que Ben Laden et Mola Omar ne soient pas d'accord. Elles passent leur nuit à me reluquer sur Instagram. Depuis pour les niquer, j'fais Amstram, Gram, bitch. J'fais de la monnaie, j'fais de la monnaie. Tu me connais, j'suis au sommet, j'suis au sommet. Y'a que du violet, j'te le promets, j'te le promets. Y'en a assez pour remplir ton bonnet, y'en a assez pour remplir ton bonnet, y'en a assez pour remplir ton bonnet. J'fais de la monnaie, j'fais de la monnaie. Tu me connais, j'suis au sommet, y'a que du violet, j'te le promets, j'te le promets. Y'en a assez pour remplir ton bonnet, y'en a assez pour remplir ton bonnet, y'en a assez pour remplir ton bonnet. Apprends et regarde, mais ne le fais pas, depuis l'école je veux faire du cheka. Un gramme égale 80 E, mais la prof de maths ne le sait pas. Plus d'étincelles au fond de mes prunelles, de la lumière au fond de ton tunnel. De plomb est constitué mon sommeil, du plomb pour te tuer pour mon oseille. Bitch à l'occasion, sur mon tuyau d'arrosage. On fait des hits à nos âges, sur tous les sites comme Aropas. Classe A, gros joint de seum dans la massa. J'décolle plus haut que là, ça. Tu le sais que j'suis bon cas, ça. Ils ont peur de nous concurrencer. Ils rappent avec des ambulateurs, ils attendent les ambulanciers. Char des habits, j'veux être couronné comme chèque conné. J'vais les prendre en abscissé, en ordonné. Bitch, j'fais de la monnaie, j'fais de la monnaie. Tu me connais, j'suis au sommet, j'suis au sommet. Y'a que du violet, j'te le promets, j'te le promets. Y'en a assez pour remplir ton bonnet, y'en a assez pour remplir ton bonnet, y'en a assez pour remplir ton bonnet. J'fais de la monnaie, j'fais de la monnaie. Tu me connais, j'suis au sommet, y'a que du violet, j'te le promets, j'te le promets. Y'en a assez pour remplir ton bonnet, y'en a assez pour remplir ton bonnet, y'en a assez pour remplir ton bonnet. On fait du cash, on fait du cash, on fume du hache, fume du hache. Écoutez, sache qu'il y a aussi des coups de hache. De cette patte falche, patte chez nous, pas de lâche, pas de lâche. Écoutez, sache, y'aura forcément des coups de schlasse. Vaut mieux pas, tu cours vers nous, on va tout prendre, on va t'effacer. Vaut mieux pour toi que tu cours vers les flics, eux vont juste prendre tes lacets. Ta go est sur son 31, elle sait que je viens, forcément. Elle a sa petite culotte qui fuit comme une piscine à débordement. Jamais tu ne verras le pirate flancher se larmoyer. J'pilote vers la direction de 4 planches et 4 poignées. 4 poignées, j'suis coté comme l'or noir, ça vous les brise. J'prends le bif et j'me cache, j'vous dis même pas au revoir, je vous méprise.